France Culture, vous écoutez La Nuit Rêvée de Lewis Trondheim. Rebonsoir Lewis Trondheim. Bonsoir. Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de votre Nuit Rêvée. C'est sur vos suggestions que nous avons choisi les émissions que nous écoutons tout au long de cette nuit. Grâce à vous, depuis le début de la nuit, on a ainsi pu écouter Jean Giraud, alias Moebius, dans un entretien qu'il avait accordé à Thomas Baumgartner pour À Voix Nue en 2005. On a entendu une émission consacrée à Stephen King, c'était en 1999 dans Mauvais Genre. Et puis à l'instant, on écoutait l'atelier de création radiophonique que Claude et Clovis Prévost avaient consacré au facteur cheval en 1981. L'émission qui ouvrira la deuxième partie est une émission dont vous aviez le souvenir précis. Il s'agit d'un épisode des Nouveaux Chemins de la Connaissance animé par Raphaël Antoven en 2008 et consacré au livre de Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l'inachevé, livre d'entretien avec Béatrice Berlowitz, paru en 1978 chez Gallimard, et dans lequel le philosophe présentait en quelque sorte les grandes thématiques qui animaient sa réflexion. Pour en parler, Raphaël Antoven avait reçu le philosophe Lucien Gerfagnon, disparu depuis en 2011, qui fut l'élève de Jankélévitch. Vous m'avez dit, Lewis Trondheim, que cette émission, vous l'aviez écoutée 3 fois. J'ai une faculté incroyable, c'est que j'ai pas de mémoire. Et cette émission-là, à chaque fois que j'écoute, elle m'enchante. Et à chaque fois, au bout d'un mois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission? Qu'est-ce que j'ai écouté exactement? Et je ne sais plus. Et vous avez de nouveau oublié. Et donc, je la réécoute. Mais j'ai des facultés incroyables du genre. Je me perds pas. J'ai le sens de l'orientation impeccable. Mais la mémoire, c'est terrible. C'est un problème pas pour moi parce que, en fait, au niveau de la culture, j'ai pas beaucoup de culture. Enfin, j'ai une culture très basique et j'essaie de la croître un petit peu. À un moment, j'ai acheté plein de découvertes Gallimard, par exemple. Je les lisais bien consciencieusement et après, c'était fini. Il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la peine de forcer. La machine ne sait pas faire, elle sait pas faire, je vais passer à autre chose. Et donc, quand je veux un petit peu de bonheur, je réécoute cette émission de Raphaël Antoven et je suis ravi à chaque fois. C'est peut-être le plaisir du poisson rouge de redécouvrir qu'il n'est pas dans un bocal, mais qu'il est dans un océan parce qu'il se rend pas compte qu'il tourne en rond. On a reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, Emmanuel Guibert, à ce même micro, qui lui dessine en écoutant la radio. Il nous racontait à quel point la radio était vraiment très présente dans sa vie pour cette raison. Vous m'avez dit que ce n'était pas votre cas. C'est quoi l'ambiance sonore dans laquelle vous aimez dessiner? C'est le silence. C'est le silence principalement, parce que comme je suis beaucoup en improvisation, si j'écoute de la musique, ça va me faire balancer dans un sens ou dans un autre. Si j'écoute des gens qui parlent, je ne suis pas du tout concentré sur ce que je suis en train de faire. Si je veux faire des dialogues, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc c'est silence, ma femme est d'accord avec ça. De temps en temps, elle met un casque et elle écoute, elle, de la musique ou la radio. Et de temps en temps, moi, quand j'ai envie, je vais aller piocher dans les podcasts de Radio France des petites choses qui peuvent m'intéresser. Dans la deuxième partie de cette nuit, on va également écouter une émission qui s'appelait « Un livre des voix » proposée par Georges Perrou en mars 1982. Il présentait « La conjuration des imbéciles », ce roman de John Kennedy Toole qui était paru un an plus tôt en France, 2 ans plus tôt aux États-Unis en 1980. Livre dont l'une des particularités est d'avoir été publié pour la première fois 11 années après la mort de son auteur. John Kennedy Toole s'était suicidé, en partie, imagine-t-on, parce qu'il souffrait du fait que son roman n'ait pas été publié, et le livre ne dut qu'à l'obstination de sa mère de pouvoir finalement être publié, et il obtint le prix Pulitzer. C'est un récit assez délirant, très drôle et très noir, à la fois, qui met en scène un personnage qui s'appelle Ignatius Reilly, et qui est une sorte de Don Quichotte obèse, qui passé 30 ans vit encore chez sa mère à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman, Lewis Trondheim? Pourquoi il fait partie de... Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de science-fiction, de fantasy. Et ce livre-là, c'est un des premiers qui n'était pas du tout dans ce registre précis. Et d'un seul coup, j'ai eu un autre monde qui s'est ouvert à moi. Parce que je pensais que la littérature de base, c'était un peu pénible à lire. Et pas avec La conjuration des imbéciles. J'ai été fasciné par ce roman. Et en plus de ça, connaissant l'histoire de l'auteur, je me suis dit, waouh, le monde tient un peu de choses. Parce que la mère n'aurait pas été opiniâtre comme ça, c'était fini. Et puis après, on se dit, combien il y a de gens formidables qui n'ont pas eu cette mère-là, et combien il y a eu d'œuvres formidables, intéressantes, poignantes, qui ont disparu, ben on ne sait pas. C'est assez troublant aussi parce qu'il y a dans le roman même le héros, cet Ignatius Reilly, a une mère et on comprend que la relation assez exclusive qu'ils ont tous les deux participe un peu de l'errance du personnage. Donc c'est assez étrange aussi de penser que dans la vie réelle, c'est sa mère. Il y a une mise en abîme, oui. Voilà, c'est évidemment. Ça. Et oui, c'est le hasard de la vie. Mais heureusement, parfois, qu'il y a des gens comme ça, que l'éditeur de Kafka n'a pas brûlé tout ce qu'il avait fait. Hein. Je disais tout à l'heure en ouverture de cette nuit qu'on peut découvrir ce mois-ci trois ouvrages auxquels vous avez participé. Parmi eux, le sixième et hélas dernier tome de l'atelier Mastodonte qui paraît chez Dupuis. L'atelier Mastodonte, c'est une aventure collective que vous avez initiée en 2011, je crois. D'abord dans les pages du journal Spirou. Ça a toujours passé dans le journal Spirou. Ouais, on faisait comme si on était dans un atelier ensemble et on raconte des anecdotes qui ne sont jamais arrivées, mais comme si on était ensemble. Donc plein de gens pendant des années, encore maintenant, pensent qu'on était vraiment tous ensemble dans cet atelier. Oui, ils pensent que l'atelier existe. Il y a plein de gens qui vraiment. Nous ont demandé de faire des stages dans l'atelier, de venir prendre des photos. Mais non, après, ils ont été très, très déçus à chaque fois. Avec cette caractéristique particulière qui est que le récit se construit un peu sous la forme d'un cadavre exquis. C'est-à-dire que chacun, à tour de rôle, chacun fait une planche. Chacun fait une demi-page avec un gag et puis d'autres rebondissent sur l'histoire d'avant pour continuer, etc. Mais à chaque fois, c'est une petite histoire en un gag, en une page. Et c'est bon enfant. Oui, on va dire que c'est bon enfant. C'était votre idée à la base ? À la base, oui, c'était pour animer le journal Spirou. Je trouvais que ça manquait de choses comme il pouvait y avoir dans les années 60 avec Gaston qui était à la rédaction de Spirou, qui faisait des gaffes, ou comme pauvre Lambil qui était une sorte de facsimilé de Willy Lambil et de Raoul Covin. Où c'était une forme de bande dessinée autobiographique, mais où tout était faux. Et en même temps, quand on demandait à Covin, il disait « mais en fait, tout est vrai ». Donc voilà, je voulais retrouver un petit peu quelque chose comme ça avec des copains. Et on s'est bien amusé pendant combien 7 ans, 8 ans. Oui, alors les copains, en l'occurrence, pour ce dernier album, on va en nommer certains. Il y a Pascal Jousselin, Nob, Aubion, Benoît Ferromont, Mathilde Domecq, Dorothée de Montfred, Alfred, entre autres, je les cite pas tous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé qu'il fallait mettre un terme, du coup, à cette aventure? Bon, parce que, en fait, l'équipe de base, elle était assez différente. Il y avait Guillaume Bianco, il y avait Johan, il y avait Pedroza. Et petit à petit, on change parce que y en a qui ont autre chose à faire. Ça devait être une sorte de récréation à côté de notre travail de faire ça. Et petit à petit, c'est devenu presque notre travail principal parce qu'il fallait fournir des pages pour le journal. Donc c'est difficile de tenir tout à la fois. Donc, au bout d'un moment, il y a une espèce de ventre mou qui s'installe. On se dit, allez, plutôt que de faire de la crotte, arrêtons. Et comment ça marche, la sélection des planches? Est-ce que après chaque planche publiée, il y a une sorte de concours où vous vous mettez tous à dessiner la suivante et puis vous décidez quelle est élue? Non, en fait, on a un bloc secret sur lequel on a accès. Chacun poste les choses qu'il va faire, si c'est juste des crayonnés, ou finaliser s'il est sûr de lui. Et le premier qui dit, qui répond au truc en disant « je prends la suite », ben il a gagné. Ce qui est aussi assez amusant avec cette série d'albums, c'est que finalement la vie d'un atelier, c'est presque devenu un genre, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin on a l'impression d'avoir beaucoup vu, notamment sous votre plume et sous celle de certains camarades de votre génération. Comment ça marchait la vie en atelier. Vous-même, vous avez fait partie d'ateliers étant plus jeune, et il y a aussi l'idée que c'est une variation sur ces péripéties-là, si on peut dire. Oui. Le travail d'auteur de bande dessinée, c'est un travail de solitaire. Donc souvent, on se retrouve à devoir trouver des systèmes pour ne pas passer son temps à être sur Facebook ou le nez dans le frigo ou à boire des coups au bistrot. Donc le système de l'atelier est pas mal parce que ça donne des horaires, ça cadre un petit peu. Et en plus de ça, il y a des copains et on peut discuter de temps en temps du boulot, de la bande dessinée, de ce qu'on fait. Parce que se voir qu'en festival, c'est bien, mais c'est toujours un petit peu rapide et puis superficiel. Alors qu'en atelier, moi je sais qu'en atelier, j'ai vécu donc à Paris entre 91 et 94. C'était l'atelier Nawak, des années formidables, où autour de moi, il y avait, outre ma future femme, il y avait Émile Bravo, David B., Johan Sfar, Christophe Blain, Stanislas, Jean-Christophe Menu, Jean-Yves Duhaut, etc. Donc, quand on bossait. Les gens qui venaient nous visiter, ils étaient surpris de nous voir très studieux. Mais en même temps, on avait quoi ? On avait 30 ans, et le but, c'était d'arriver à réussir à être publié. Donc, on bossait. Mais les souvenirs qu'on en a et l'émulation qu'il y avait est formidable. Donc, ça reste vraiment très ancré en moi, cette espèce de complicité qu'il pouvait y avoir. Et j'habite dans le sud là depuis maintenant 25 ans, mais les portes sont ouvertes et il y a plein de copains qui viennent soit pendant les grandes vacances ou soit quand ils veulent pour déjà prendre le soleil, mais aussi pour être drivé et que je les fouette un petit peu parce qu'ils chez eux ils s'ennuient. Et votre personnage dans l'atelier Mastodonte est un personnage fouetteur, on peut le dire. Voilà, je suis celui qui fait bosser les autres. Ah oui, c'est ça, et qui les terrorise en partie. L'émission qui conclura votre nuit est un documentaire d'Alexandre Tilski réalisé par Véronique Lamandour et consacré au duo que forment Danny Elfman et Tim Burton. L'émission s'appelle Danny Elfman et Tim Burton, deux saltimbanques à Hollywood, et elle avait été diffusée dans l'atelier de la création en 2013. Danny Elfman a composé quasiment toutes les musiques des films de Tim Burton, presque, jusqu'au tout dernier, Dumbo, qu'on va pouvoir découvrir en mars prochain en France. Cette émission répond à votre souhait, Lewis Trondheim, que l'on évoque non la personnalité de Burton, mais celle de Danny Elfman au cours de cette nuit. Danny Elfman qui est aussi le compositeur des génériques des Simpsons ou de Desperate Housewives, entre autres. Comment est-ce que vous avez découvert sa musique ? Danny Elfman, j'avais découvert, je crois, dans un film qui s'appelait Forbidden Zone, qui est un film en noir et blanc, et il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Oingo Boingo, et j'avais trouvé le film très très bizarre, très surprenant, avec une musique pas habituelle. Et après, quand j'ai découvert les films de Burton, j'ai vu que c'était le même mec qui était là, qui faisait la musique. J'ai vu que c'est lui qui faisait la voix sur L'étrange Noël de Monsieur Jack pour je sais plus quel personnage. Bah pour Jack et pour Jack, oui. Plusieurs autres. Oui. Ouais. Et je trouvais que sa musique était très très intéressante. Quand j'étais gamin, j'achetais très peu de musique de variété. J'achetais des musiques de films. J'achetais du Ennio Morricone, du Nino Rota, du Francis Lai, et j'aimais écouter ça. Ah oui, ça remonte à vos plus jeunes années. Oui oui. Pour moi, c'était très comment dire. C'était J'étais très rêveur, voilà. Quand j'écoutais ce genre de musique-là, ça me faisait planer comme des autres planaient en écoutant du Pink Floyd. Donc, et après, quand j'ai découvert du Danny Elfman, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Est-ce que le cinéma, ça nourrit de façon plus générale votre imaginaire ? De moins en moins. Je pense que la télévision, avec toutes les séries télé de très grande qualité qu'on a depuis 15 ans, beaucoup plus maintenant. Pour finir de faire le tour des parutions de ce mois-ci, je mentionne que, pareil également, ce mois-ci, un nouvel album des Nouvelles Aventures de Mickey, une collection qui paraît chez Glénat depuis quelques années et qui propose, comme son nom l'indique, de découvrir Mickey, Donald, Dingo, Patty Buller et d'autres personnages des premiers comic strips Disney dans de nouvelles aventures et dans un esprit qui respecte à la fois sur le plan graphique et sur le plan des scénarios ces histoires mythiques. Vous aviez déjà écrit le scénario de deux albums dessinés par Keramidas, Mickey's Craziest Adventures et Donald's Happiest Adventures. Et cette fois-ci, vous avez travaillé avec Alex Sinem pour nous offrir Horrific Land, une aventure dans laquelle Mickey, le détective Mickey, reprend du service et se retrouve enquêté dans un parc d'attractions à l'abandon où rôde de bien mystérieux fantômes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette collection qui a été lancée, je crois, grâce à Jacques Glénat qui a réussi à convaincre Disney. Voilà, Glénat, il publiait le patrimoine de Disney, donc du Gottfredson, du Karl Barks, du Don Rosa depuis longtemps, et il les a convaincus de faire des créations originales avec des auteurs français où on mettrait le nom des auteurs en avant, alors que généralement chez Disney c'est pas du tout le cas. Disney a fini par être convaincu, donc il y a eu une première salve avec Thébault, avec Loisel, avec Cosset, Keramidas et moi, puis il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Et le but du jeu, c'est effectivement d'avoir un travail d'auteur, mais en respectant toutes les règles. C'est-à-dire que, effectivement, Mickey ne sort pas de la maison de Minnie le matin. Il dort chez lui. Pas de gros mots. Maintenant, il y a des nouvelles lois. C'est genre, il faut pas de cigares, pas d'armes à feu. Donc, bah, on gère ça comme ça. Mais vous devez soumettre, du coup, vos planches. Il y a quelqu'un de chez Disney qui relie. Bien sûr, il y a quelqu'un de chez Disney qui relie et qui va nous dire non, on n'a pas le droit de mettre des mots comme bigre. Parce que bigre, ça vient de bougre. Bougre vient de bulgare. Bulgare, c'était une façon de dire sodomite à un moment parce qu'on considérait que c'était comme des Grecs, c'était des gens qui étaient sodomites. Donc, dire bigre, ça veut dire sodomite. Donc, on n'a pas le droit de dire ça. Donc, j'apprends en même temps plein de choses, c'est bien. Vous nous apprenez plein de choses dans cette histoire-là. Mickey, donc je le disais, va enquêter dans ce parc d'attractions. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser au parc d'attractions Disney bien réel, les Disneyland du monde. Est-ce que sur le scénario, sur cette idée de scénario, il y avait aussi l'envie de jouer avec cette référence-là? Bien sûr. Alors, d'une part, donc, c'est un parc d'attractions abandonné, mais un parc d'attractions d'horreur. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a que des attractions avec des fantômes, des vampires, des laboratoires hyper dangereux, le monde des clowns, etc., etc. Mais je me suis amusé à ce que, par exemple, la propriétaire s'appelle Lady Sweeton, et Lady Sweeton, c'est un anagramme de Walt Disney. Ah, j'avais pas saisi cette référence-là. Et oui, je crois que, et heureusement que chez Disney, ils ont pas vu ça, sinon ils l'auraient pas publié. Et les personnages Disney, vous parliez de Gottfredson, de Karl Barks, vous, ça faisait partie de vos lectures d'enfance, c'était des... Oui, mon père était libraire et à Noël, il m'a offert deux grands volumes Hachette avec les histoires de Gottfredson de Mickey des années 30 et les histoires de Barks, de Donald et Picsou des années 40. Et j'étais furieux parce que pour moi, que mon père libraire m'offre un livre, c'était comme s'il avait rien acheté, quoi. Et donc, j'ai le livre, il a passé un an dans un coin et je l'ai pas lu. Puis un jour, j'étais un petit peu trop désœuvré par rapport à d'habitude. J'ai commencé à lire ça et j'étais fasciné par les histoires de ces gens-là parce qu'ils ont inventé des trucs formidables. Surtout Karl Barks, qui a inventé le personnage de Picsou et bien d'autres. Il a des qualités narratives et graphiques que moi je place en parallèle avec Tezuka au Japon et avec Hergé en Europe. C'est que c'est une bande dessinée pour enfants, très accessible et avec un degré d'invention formidable. Et le fait que vous dessiniez pas toujours, mais la plupart du temps animalier, ça vient aussi? Ça vient en partie de là parce que je voulais, en fait, en tant que lecteur, continue à pouvoir lire des histoires de Disney, mais sans lire des histoires un peu bébêtes. Donc, lire des histoires adultes de Disney. C'est un peu ce que j'ai créé, quoi. Merci beaucoup, Lewis Trondheim. On se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. Mais d'ici là, place donc aux trois émissions de cette deuxième partie. Dans un instant, les nouveaux chemins de la connaissance. Raphaël Antoven recevait Lucien Gerfagnon en 2008 pour parler de Quelque part dans l'inachevé de Jean Kelevitch. Puis un livre des voix par Georges Perroux, une émission consacrée à la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. C'était en 82. Et enfin, l'atelier de la création d'Annie Elfman et Tim Burton de Saltimbanque à Hollywood. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture en 2013.